الحمد لله الحمد لله رب العالمين لروج تاديو سينيور دي زونيفير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu tuteur des vertueux واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الامين et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique, Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nombre des sables du désert, wa awladi adama wa hawa et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Après ceci, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, pour lequel on souhaite et on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Law sa'alna an-nasa hadha as-su'al, si on interroge, si on pose cette question aux gens aujourd'hui, هل أنت حر أم أنت عبد? Est-ce que tu es un libre ou un esclave? تقريبا أغلب الناس سيجيبون. Approximativement, la majorité des gens vont donner cette réponse, أنا حر. Je suis libre. فكلهم يحبون الحرية. Tous, ils aiment la liberté. ويكرهون العبودية. Et ils détestent l'esclavage ou la servitude. ولكن أقول هذا وهم. Mais je dis, il y a là une illusion. فأغلب الناس يظنون أنهم أحرار. La majorité des gens pensent qu'ils sont des libres, des gens libres. Voilà qu'ils n'ont fait le haqir quand ils habitent. Mais en réalité, mais au fond, ils sont des esclaves. Hada abdun lilmal. Celui-ci est un esclave d'argent. Wahada abdun lilhawa. Et l'autre est un esclave de ses passions. وهذا عبد للشهوات et celui-ci est un esclave des désirs et des instincts وهذا عبد للنساء et l'autre est un esclave des femmes الى اخره etc فاين الحريه اذن donc où est la liberté qui a été donnée comme réponse tout à l'heure والان اسالك اخي اختي maintenant je te pose cette question mon frère ou ma sœur, et un musulman, ou musulman, هل أنت حر أم أنت عبد? Es-tu un libre ou es-tu un esclave? الجواب, كل مسلم أو مسلمة سيقول أنا عبد لله. La réponse, chaque musulman, chaque musulmane va dire « Je suis un esclave de Dieu. Je suis un humble serviteur de Dieu. » Maintenant, je te pose une deuxième question. Lorsque tu dis « Je suis un humble serviteur de Dieu. » Es-tu sincère dans ta réponse à 100%? Es-tu véridique dans ta réponse à 100%? يعني, هل أنت عبد فقط لله? Ceci signifie, es-tu un esclave ou un serviteur uniquement pour Dieu? ألست عبدا لأشياء أخرى? N'es-tu pas l'esclave d'autre chose? Comme le reste de l'humanité, الذين يظنون أنفسهم أحرارا وهم عبيد. N'es-tu pas comme le reste de l'humanité qui se pense libre, mais en réalité ils ne sont que des esclaves? Fakir جيدا, réfléchis bien. فالإسلام ذكر عدة آلهة. L'islam a cité plusieurs sortes de divinités. ويمكن للإنسان أن يصبح عبدا لها. Et il est possible pour que l'homme devienne l'un des esclaves, ça veut dire de ces divinités. Premièrement, al-hawa, la passion. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى. جعل من الهوى ديالو هو الإله نتاعو. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. رغم علمه أضله الله وختم على سمعه. هذا الذي يتبع الهوى, ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Que penses-tu de celui qui fit de ses passions son propre Dieu et que Dieu égara malgré sa connaissance, ça veut dire du bien et du mal, à qui il scella l'ouïe et le cœur d'un cachet et sur les yeux de qui il plaça un voile obscur, qui donc le guidera après Dieu? فهناك من إلهه هو هوى. Il y a parmi les gens celui dont le Dieu n'est que ses propres passions. يلبي هوى. Il répond par oui à ses passions. ثانيا, deuxièmement, هناك من إلهه هو الشيطان. Il y a celui qui a pris comme Dieu Satan. صار عبدا للشيطان. Il est devenu tout simplement l'esclave de Satan. Il obéit à tous les ordres sataniques. Troisièmement, il y a celui qui est devenu un esclave parfait, entier de ce bas monde, de la vie ici-bas. Quatrièmement, هناك من صار عبدا للنفس الأمارة بالسوء. Il y a celui qui est devenu un parfait esclave de l'âme, de sa propre âme, de lui-même, son âme instigatrice du mal. نفس الأمارة بالسوء صار عبد لنفسه. Il est devenu l'esclave de lui-même. يلبي أوامر نفسه. Il obéit à tous ses ordres ou à tous ses désirs. خامساً, هناك من صار عبداً للشهوات. Cinquièmement, il y en a celui qui est devenu l'esclave pur de ses propres désirs et instincts. خامس في الشهوات, noyé dans les désirs. سادساً, sixièmement, هناك من صار عبدا للمال. Il y a celui qui est devenu un esclave entier de l'argent, de la fortune. Il a ou le mal, son unique Dieu, son propre Dieu est l'argent. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et ça sur lui dit, تعيسَ عبد الدينار, malheureux est l'esclave du dinar, ou abdu dirham, est l'esclave du dirham, ou udif, et je rajoute, est l'esclave de l'euro, ou ta'isa abdu l'euro. Rawa al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Sabian, septièmement, هناك من صار عبدا للناس. Il y en a celui qui est devenu un esclave des gens. يخاف منهم. Il redoute les gens. Il a peur des gens. أكثر من خوفه من الله. Il a peur des gens plus que sa crainte vis-à-vis de Dieu. Il craint les gens plus qu'il craint Dieu. يحاول إرضاءهم. Il essaie de les satisfaire أكثر من إرضائه لله. Plus qu'il essaie de satisfaire Dieu. يفعل مثلهم. Il fait parfaitement comme eux. يلبس مثلهم. Il porte des habits semblables à leurs habits. Il se comporte selon leur manière. ولو كان في ذلك معصية لله. Et même s'il se trouve ou même dans le, il fait cela même dans le cas où ce qu'il fait constitue une désobéissance à Dieu. أخي أختي فكر جيدا. Mon frère ou ma sœur, réfléchis bien. أنت عبد لكم من آلهة لكم من إله. Tu es l'esclave de combien de dieux. من غير الله, en dehors de Dieu. أنت عبد للسبع الذين ذكرت. Es-tu l'esclave des sept que j'ai cités, أم لستة, ou es-tu esclave de six en dehors de Dieu, أم لخمسة, ou de cinq, أم لأربعة, ou de quatre, أم لثلاثة, ou de trois, أم لاثنان, ou esclave de deux, أم لواحد, ou un esclave d'une seule divinité en dehors de Dieu. يعني تعبد الله ومعه إله آخر. Ça veut dire tu adores dans ta vie Dieu, Allah, et à côté de lui tu adores une autre divinité. إذن, donc mon frère ou ma sœur, لا إله إلا الله التي تردد لا معنى لها. Ceci signifie, dans le cas où c'est vrai, que cette phrase noble, il n'y a aucune divinité à part Allah, que tu répètes et tu répètes, n'a plus de sens. Parce que tu as d'autres types de divinités. Et cela s'appelle en islam une association. Et l'association est un péché énorme parmi les plus grands péchés. Je donne un exemple. Celui qui désobéit à Dieu dans un domaine parmi d'autres, sa désobéissance à Dieu, malgré qu'il est un esclave de Dieu, يعني أنه أصبح عبدا أكثر لآلهة أخرى. Ceci signifie que ça, qu'il est devenu davantage un esclave à une autre divinité, آلهة أخرى يحبها أكثر من الله, une autre divinité qu'il aime plus que son amour pour Dieu. فالذي يشرب الخمر, celui qui consomme, qui boit l'alcool ou le vin, أو يقوم بالزنا, celui qui commet l'adultère, عبوديته لشهواته, son esclavage vis-à-vis de ses désirs, فاقت عبوديته لله, a dépassé sa servitude à Dieu. الشهوات أمرته, les désirs lui ont fait des ordres. وربه أمره, et son Seigneur Allah lui a fait des ordres. فأطاع الشهوة وعصى الله, et il a obéi au désir et il a désobéi à Dieu. الذي لا يخرج الزكاة, celui qui n'acquitte pas la zakat, par exemple, مثلا, يعني أنه أصبح عبدا للمال أكثر مما هو عبد لله. Ceci signifie qu'il est devenu davantage un esclave de l'argent plus que ce qu'il est un esclave à Dieu. أحب المال أكثر من الله. Il a aimé l'argent plus que son amour de Dieu. والأمثلة جد كثيرة. Les exemples sont très très très nombreux. والوقت لا يسمح بذكر الكثير. Et le temps ne permet pas de citer beaucoup d'exemples. ولكني أقول لك. Mais quand même je te dis. أخي أختي. Frère, sœur. في حياتك اليومية. Dans ta vie quotidienne. هل تعيش حرا بالنسبة لله. Est-ce que tu vis en tant que libre par rapport à Dieu? Tu prends beaucoup de liberté vis-à-vis de Dieu? Ça veut dire tu vis comme un esclave de ta passion? Ou bien tu vis uniquement comme un serviteur pur de Dieu. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu fais tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes ? Ou est-ce que tu fais uniquement ce que Dieu préfère, ce que ton maître aime ? Est-ce que tu mènes une vie d'un esclave qui ressent que son maître est avec lui ? Son maître ne le quitte pas. Il est conscient que son maître, il est en train de le voir, il est en train de l'écouter. Il vit en étant effrayé de la colère de Dieu, de son maître. Ou dis-moi, est-ce que tu as oublié le fait que tu es un esclave ? Tu as oublié que tu as un maître ? Peut-être tu as pensé ou tu as commencé à penser que c'est toi le maître. Et combien c'est difficile, combien même c'est dangereux lorsque l'esclave se comporte comme un maître. Pharaon a fait cette expérience et nous avons vu tous ensemble les mauvaises conséquences de cette expérience. Frère, sœur, aimes-tu la vraie liberté ? Libère-toi de toutes les divinités mensongères. عش بإخلاص معنى لا إله إلا الله. Vis sincèrement le sens de cette phrase. Il n'y a aucune divinité à part Allah. فإنها كلمة الحرية. C'est le mot de la liberté. ستصبح حرا. Tu deviendras libre. لن تكون عبدا لأحد غير الله. Tu ne deviendras plus l'esclave d'autre chose à part Allah. Lan tasjud illa amam Allah. Tu ne te prosternes plus que devant Dieu. Lan tanhani illa amam Allah. Tu ne t'inclines plus que devant Allah. Alladhi khalaqak, Dieu qui t'a créé. Walladhi razaqak, Dieu qui te donne chaque jour ta subsistance. أخي أختي frère sœur, لماذا ترفض أن تكون عبدا خالصا لله؟ Dis-moi, pourquoi tu refuses d'être un esclave, un serviteur humble, pur, sincère à Dieu؟ كل الأنبياء كانوا عبادا لله. Tous les prophètes étaient des esclaves, étaient des serviteurs à Dieu. Tous les anges, à partir de l'archange Gabriel, tous les anges ne sont que des serviteurs de Dieu. Es-tu meilleur ? Est-ce que tu es mieux que les prophètes ? Es-tu mieux que les anges ? La plus grande fierté, le plus grand honneur à toi. La plus grande noblesse pour toi. C'est lorsque Dieu t'agrée comme un serviteur humble pour lui. Ton âme jamais, elle ne ressentira l'apaisement, le bonheur. أن تكون عبدا خالصا لله. Ton âme ne devient apaisée que lorsque par ton choix tu acceptes de devenir un serviteur humble, un serviteur 100% à Dieu. Regarde, قال تعالى عن نوح عليه السلام, Dieu dit à propos de Noé, prière et salut sur lui, إنه كان عبدا شكورا. Nuh, إنه كان عبدا من عبادنا, كان عبدا شكورا. Il était un esclave, c'est-à-dire de Dieu, plein de reconnaissance. وسام شرف لنوح, une médaille d'honneur pour Noé de la part de Dieu. وقال تعالى عن أيوب عليه السلام, Dieu dit à propos de Job, prière et salut sur lui, Inna wajadnahu sabira. Nous l'avons trouvé plein de patience. Ni'ma al-abd. Abd wa shmin abd huwa. Ni'ma al-abd. Quel bon esclave. Innahu awwab. Il était toujours prompt à revenir, c'est-à-dire à Dieu. Wissam, sharaf, une médaille d'honneur pour Job. Ainsi Dieu a parlé de beaucoup de ses prophètes. ثم قال عن عبده سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Et après il a dit à propos de son serviteur, notre maître et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Certes, tu jouis d'une très haute moralité. Bimana, ceci signifie Nuh alayhi salam fi khuluq ash-shukr kana 'aziman. Ça veut dire Noé, prière et salut dans le domaine de la morale qui concerne la reconnaissance, il était excellent. وأيوب عليه السلام في خلق الصبر كان عظيما. Et Job, prière et salut sur lui, dans le domaine de la morale qui concerne l'endurance, la patience, il était excellent. وكل نبي كان عظيما في جانب أو جوانب من الأخلاق. Et chaque prophète, serviteur, était excellent dans un domaine ou plusieurs domaines de la morale. وأما أنت يا حبيبي يا محمد. Mais toi, mon bien-aimé, ô Muhammad, وصلت القمة في كل جوانب الأخلاق. Toi, tu as atteint le sommet de la morale dans tous ces domaines, à shukr, dans le domaine de la reconnaissance, dans le domaine de la patience, fi sabr ila akhire. Wal jaiza, et la récompense, qawluhu ta'ala, sa parole sacrée du verset coranique, subhanalladhi asra bi 'abdihi lam yaqul bi nabiyhi wa lam yaqul bi rasulihi, akbar tashrif li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qala lahu subhanalladhi الذي أسرى بعبده. استحق هذه الكلمة وسام شرف لا مزيد له من الشرف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Gloire et pureté. Dieu dit dans ce verset à propos de son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur. Il n'a pas dit son prophète, il n'a pas dit son messager. Le plus grand honneur qu'il lui a réservé, son serviteur. De la mosquée sacrée, ça veut dire de la Mecque, à la mosquée extrême, ça veut dire à Jérusalem, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer de nos signes. بقدر اتصافك بصفة العبد بقدر ما يريك الله من آيات. Plus tu t'appliques dans ton caractère ou dans ton attribut d'esclave devant Dieu, plus Dieu il te montre de ses signes. لنريه من آياتنا, afin de lui montrer de nos signes. Qimmatul akhlaq للنبي صلى الله عليه وسلم, le sommet de moralité du prophète, prière et salut sur lui, أوصلته لقمة السماوات, l'a mené vers le sommet des cieux. وهذا آية الله عيسى عليه السلام. Et voici maintenant le signe de Dieu, Jésus, prière et sagesse, oui. Ruhullah, l'esprit ou le souffle de Dieu, awwal kalima qalaha wa huwa radi', le premier mot qu'il a prononcé en tant que bébé, inni abdullah. Je suis l'esclave de Dieu. Je suis le serviteur humble de Dieu. Wayaqulullah ta'ala wa tabarak fi ayatin ukhra. Dieu dit dans un autre verset, lan yastankif al-masih ay yakuna 'abdan lillah wa lal mala'ikatu al muqarrabun. Jamais le Messie ne refusera par fierté d'être un serviteur humble pour Dieu, ni les anges les plus rapprochés. Wa man yastankif 'an 'ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a. Et celui qui se refuse par fierté à lui vouer une adoration servile et qui s'enorgueillit, Dieu les assemblera tous auprès de lui. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres, il leur donnera entièrement leur salaire et leur en ajoutera de sa générosité. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ min dunillahi waliyan wala nasira. Quant à ceux qui auront refusé par fierté et se seront enorgueillis, il les soumettra à un supplice douloureux et ils ne trouveront en dehors de Dieu ni patron ni partisan secourable. Wa qala fi ayatin akhira, et il a dit dans un dernier verset d'aujourd'hui, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Car plutôt tous ceux qui est dans les cieux et en terre doivent venir comme humble esclave au très miséricordieux. Wa fil akhir usikum wa nafsi bi taqwa Allah. À la fin, je vous recommande à moi-même la piété de Dieu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, من تحرر من كل أنواع العبودية, celui qui arrive parmi nous à se libérer de toutes les formes de servitude ou d'esclavage, وَرَضِيَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا خَالِصًا لِلَّهِ, et il préfère, il choisit de mener une vie d'un serviteur humble pour Dieu, فَلَهُ عِدَّةَ جَوَائِزْ إِلَهِيَّ مِنْ بَيْنِهَا, il aura plusieurs récompenses divines. Parmi ces récompenses, je souligne, أولاً, premièrement, لَا سُلْطَانَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ, Satan n'aura plus de pouvoir sur lui. سَيَتَحَرَّرْ مِنْ قُوَّةِ إِبْلِيسِ, il va se libérer de l'emprise satanique. قَالَ تَعَالَى, Dieu dit dans un verset, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ, certes mes esclaves ou mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا, et ton Seigneur suffit comme défenseur ou comme protecteur. الشيء الثاني, la deuxième chose, القرب الإله الخاص, la proximité divine spéciale, بالنصر والتأييد والإجابة, والتأييد والإجابة, une proximité de victoire, une proximité d'assistance pour exaucer tes invocations. هناك قرب إله عام لكل الناس, il y a une proximité générale qui concerne toute l'humanité, proximité divine, بعلمه ومعرفته بأعمالهم, comme quoi il connaît, il voit leurs œuvres. وهناك قرب خاص لعباده, et il y a une proximité spéciale pour ses humbles serviteurs. قال تعالى, Dieu dit, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis très proche. Je réponds à l'appel de l'appeleur quand il m'appelle ou à l'appel de l'invocateur quand il m'invoque. Thalithan, troisièmement, عند الموت يقول لعبدي. Juste avant la mort, Dieu va dire à son serviteur, Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna allati itma'annat bil-'ubudiyyah lillah. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, ô âme apaisée, qui était apaisée par sa servitude humble à Dieu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, retourne à ton maître Seigneur satisfaisant, satisfaite et satisfaisante, ou donnant satisfaction. Fadkhuli fi ibadi, udkhuli kunti fi ibadi wal yawma ba'da al maut udkhuli fi ibadi, entre donc dans le groupe de mes serviteurs. Wadkhuli fi jannati, et entre dans mon paradis. Al rabi'a wal akhira, la quatrième et dernière récompense que j'ai sélectionnée aujourd'hui, يوم القيامة, le jour de la résurrection, يقول المولى عز وجل, le très haut va dire, يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون, ô mes serviteurs, aucune peur ne vous accable aujourd'hui et nul chagrin ne vous afflige. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين, ceux qui ont cru à nos signes et qui nous étaient entièrement soumis. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تفرحون, entrez au paradis vous et vos épouses pour vivre la plus grande joie. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب, on fait passer devant eux les bols et des coupes en or. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين أنفسهم كانت مطمئنة بخاصية العبودية لله, الجزاء في الآخرة. وفيها ما تشتهيه الأنفس المطمئنة, ما تشتهيه الأنفس وتلد العين. Et il y a là tout ce que l'âme envie et tout ce qui fait jouir les yeux. وأنتم فيها خالدون, nous vous y, et vous y êtes immortels. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون, tel est le paradis qu'on vous a donné en héritage pour ce que vous faisiez. فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون, vous y avez des fruits en abondance dont vous mangez. أخي أختي, frère, sœur, تحب كل هذه الجوائز الإلهية, aimes-tu toutes ces récompenses divines, كن عبدا لله في هذه الدنيا بصدق وإخلاص لمدة سنوات, sois un pur serviteur de Dieu dans cette vie ici-bas pendant quelques années, تصبح ملكا هناك للخلود, et tu deviendras là-bas un roi pour l'éternité. واعلم أنك مخلوق من الله, et sache que tu es créé par Dieu, مبرمج لتكون عبدا, et lors de ta création Dieu t'a programmé pour que tu sois un esclave. فإن رفضت أن تكون عبدا لله, dans le cas où tu refuses d'être un esclave de Dieu, فلن تكون حرا, tu ne seras pas libre. فلا بد أن تكون عبدا لغير الله, plutôt tu deviendras un esclave pour autre chose que Dieu, الشيطان, tu deviendras l'esclave de Satan, الهوى, la passion, المال, l'argent, إلى آخره, etc. فاختر ما تريد, choisis mon frère ou ma soeur ce que tu veux. ولا تنسوا بأننا في الجمعة الأولى من هذا الشهر, اليوم فاتح أكتوبر, n'oubliez pas qu'on est dans le premier vendredi de ce mois, le 1er octobre. فاليوم كن عبدا لله, aujourd'hui sois un serviteur humble de Dieu. اعطي مالك لله, donne, offre ton argent à ton maître. وقل له يا رب احفظ لي هذا المال عندك, يا سيدي احفظ مال عبدك عندك, hatta alqaka yawm al-qiyamah. Et dis-lui, ô mon maître et seigneur, préserve auprès de toi cette somme d'argent jusqu'au jour de ton esclave, jusqu'au jour où je vais te rencontrer le jour de la résurrection. Nas'alullah an yataqabbala min al-jami' et on demande à Dieu d'agréer l'œuvre de tout le monde. Allahumma inni da'in fa'amina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa al-afa wa al-afiyah fi al-dini wa al-dunya wa al-akhirah. Allahumma alif ala al-khayr qulubana wa aslih data baynina wa ahdina subul السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا مهديين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة في هذا البيت المبارك بيتك ومسجد المسجد نسألك يا رب لا تحرمنا في الدنيا من لذة العبودية بين يديك. يا رب اجعلنا نحس ونجد الحلاوة في أننا عباد لك. يا رب نسألك بعظمتك لا تتركنا نكون عبادا لغيرك. يا رب لا تجعلنا عبادا للشيطان، لا عبادا للهوى، لا عبادا أو عبيدا للمال ولا لأي شيء. يا رب حررنا، خلصنا لك، اجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب خاطبنا يوم الموت وقل لنا وادخلي في عبادي يا عبدي، ادخل في عبادي. ويا رب خاطبنا بقولك يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا سيدي يا كريم يا مجيب، تقبل دعاءنا اليوم وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.